السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: الفائدة 71 أن العاقبة الحميدة لها، أي للتقوى. قال تعالى: والعاقبة للتقوى. سورة طه. Autant nous dit rahimahullah, le profit numéro 71 est que la fin louable est pour elle, c'est-à-dire pour la piété. Allah nous dit d'après le sens du verset: et la bonne fin est à la piété. Et la bonne fin est à la piété. Sourate Taha. C'est-à-dire que la fin heureuse est pour le pieux, celui qui accomplit les actes de la piété, en accomplissant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et en délaissant ses interdits. Donc ceux-là auront al-aqibah, qui est la réussite et la bonne fin, la fin heureuse qui est stable et qui est constante. Wal-aqibatu lit-taqwa, la bonne fin qui est stable et qui est constante. Alors que celui qui n'est pas pieux, ghayru al-muttaqi, même s'il jouit d'une certaine réussite ou d'un repos, alors cela ne dure pas et cela disparaîtra de lui d'ici peu. Car, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, al-aqibatu lil-muttaqin, la bonne fin est pour les pieux. Et dans ce verset, nous avons aussi un encouragement et une incitation à ce que le serviteur patiente et qu'il reste ferme sur la piété, quel que soit l'état dans lequel il se trouve, en attendant avec certitude la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala quant au fait qu'il aura bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala une bonne fin et une réussite et une fin heureuse. Cela comme nous l'avons vu dans le verset qui a été cité précédemment à propos de Yusuf alayhi salam, qui après avoir enduré ce qu'il a enduré alayhi salam et après avoir fait preuve de piété à tout moment et après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé une bonne fin, a dit: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. En vérité, quiconque fait preuve de piété et endure, alors certes Allah ne perd pas la récompense des bienfaisants. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين. ثم يقول المؤلف رحمه الله: الفائدة 72 أن المتصفين بها هم المنتفعون بالكتب. قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. سورة الأنبياء الآيات 48. Il nous dit rahimahullah, le profil numéro 72 est que ceux qui ont comme attribut la piété sont eux seuls à profiter des livres révélés. Sont eux seuls à profiter des livres révélés. Allah nous dit d'après l'essence du verset: et nous avons certes donné à Moussa et Haroun le discernement, qui est la Torah, et une lumière et un rappel pour les pieux. Et une lumière et un rappel pour les pieux. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite qu'il a donné la Torah, la Torah, à Moussa et à Haroun, qui est un discernement, Furqanen, donc qui permet de discerner entre le vrai et le faux, entre la guidée et l'égarement, comme cela est pour le Coran, et qui est aussi une lumière, Diyaan, et un rappel, Wadikran. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité un rappel à quoi et pourquoi. Donc cela prend un sens général. Donc c'est un rappel pour tout ce qui est profitable pour le serviteur et pour le croyant, pour qu'il puisse l'accomplir. Et un rappel de tout ce qui lui est nuisible, pour qu'il puisse le délaisser. Dhikran lil muttaqin. Mais ce rappel ne profite encore une fois qu'aux pieux. Dhikran lil muttaqin. Dhikran lil muttaqin. Et donc, plus la personne sera pieuse, puis et elle fera les actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, et elle délaissera ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit, puis plus elle profitera de ce rappel, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Donc selon le degré de piété de la personne, elle aura en récompense le fait de profiter du rappel que contient les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés, en l'occurrence le Coran. ثم يقول رحمه الله الفائدة الثالثة والسبعون أن التقوى من أسباب النجاة يوم القيامة قال تعالى اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم سورة الحج الآية الواحدة. Le prophète numéro 73 est que la piété est une des causes permettant d'être sauvé le jour dernier. Allah nous dit d'après le sens du verset, ô gens, craignez votre Seigneur. Certes, le séisme de l'heure est une chose terrible. Inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim. Inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala incite tous ses serviteurs, aux gens, à la piété. Donc en citant l'immensité de ce qui les attend, yawm al-qiyamah, qui est ici la secousse, le séisme qui précédera l'heure du jugement. Puis il nous dit subhanahu wa ta'ala dans le verset d'après, à propos de cette zalzala, cette secousse, ce séisme, yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adhab Allahi shadid. Le jour où vous la verrez, donc cette secousse, ce séisme, toute nourrice qui allaitait oubliera ce qu'elle allaitait. Et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est douloureux. Walakin adhab Allahi shadid. Et donc, ici, ce qui permet au serviteur d'être préservé de ce dur châtiment est la taqwa. Ittaqu rabbakum. Cela par la science et les œuvres. Bil ilmi wal amal. ثم يقول المؤلف رحمه الله الفائدة الرابعة والسبعون أن التقوى من أسباب تعظيم شعائر الله. قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سورة الحج الآية الثانية والثلاثون. Le profil numéro 74 est que la piété est une cause poussant à vénérer les rites d'Allah. Allah nous dit, d'après l'essence du verset, « Et quiconque exalte, c'est-à-dire immensifie, les injonctions sacrées d'Allah, les rites d'Allah, alors cela provient de la piété des cœurs. » Alors, cela provient de la piété des cœurs. Donc, c'est-à-dire que celui qui exalte, qui glorifie ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, qui rend immense ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré comme rite, alors cela est une preuve de sa piété et de sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Car le fait qu'il immensifie, et le fait qu'il vénère, qu'il glorifie ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu immense, découle et provient du fait qu'il immensifie Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il croit en lui. ثم يقول رحمه الله الفائدة الخامسة والسبعون أنها هي التي تصل إلى الله فتنفع العبد. قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم سورة الحج الآية السابعة والثلاثون. Il nous dit, rahimahullah, le profit numéro 75, est que c'est elle, donc la piété, qui arrive véritablement à Allah et qui profite au serviteur. Allah nous dit, donc à propos des sacrifices et des offrandes qui sont accomplis pendant le pèlerinage, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset, ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Donc, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah nous dit, en commentaire de ce verset, ni leur chair, ni leur sang, donc le sang des bêtes et la chair des bêtes, n'atteindront Allah. C'est-à-dire que le but n'est pas seulement l'égorgement des bêtes, et ni la chair et ni le sang de ces bêtes n'atteint Allah subhanahu wa ta'ala, car il est le riche, le digne de louange. Mais ce qu'il atteint est seulement la sincérité dans l'acte, le fait que le serviteur attend la récompense d'Allah par cet acte et sa bonne intention. C'est pour cela qu'il dit, subhanahu wa ta'ala, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Puis il nous dit, rahimahullah, et dans cela, il y a une incitation et un encouragement à la sincérité dans le sacrifice, et que le but visé soit le visage d'Allah seul, non par vantardise, ostentation, ou bien pour la réputation, ou par simple habitude. Puis nous dit, rahimahullah, et cela est pareil pour le reste des actes d'adoration. Si elles ne sont pas accompagnées de sincérité et de piété, alors elles sont comparables à des écorces de fruits sans rien à l'intérieur, ou à un corps sans âme. انتهى كلامه رحمه الله. ثم يقول المؤلف رحمه الله الفائدة السادسة والسبعون أنها سبب للاتعاظ بالقرآن وغيره. قال تعالى ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. سورة النور الآية 34. Le prophète numéro 76 et qu'elle permet donc la taqwa, la piété, l'exhortation par le Coran et par autre. Allah nous dit à propos du Coran et donnant une parabole, donc le Coran, et donnant une parabole de ceux qui ont vécu avant vous et une exhortation pour les pieux. Donc le Coran, maw'izatun, une exhortation. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala khassahuna al-muttaqin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois spécifié l'exhortation pour les pieux, car ce sont eux qui profitent de cette exhortation. ثم يقول المؤلف رحمه الله الفائدة السابعة والسبعون أنها من أسباب الفوز وحصول المطلوب والنجاة من المرهوب. قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. سورة النور الآية 52. Le prophète numéro 77 et qu'elle permet la piété, le succès et l'obtention des souhaits et le salut de ce que le serviteur fuit. Allah nous dit d'après l'essence du verset, et quiconque obéit à Allah et à son messager, craint Allah et fait preuve de piété, alors voilà ce qui récolte le succès. Craint Allah et fait preuve de piété, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Donc, al-fa'izun. Et le succès, qui est le fait d'être préservé de ce qui est craint et d'obtenir ce que le serviteur souhaite. Et donc à l'inverse, moins la personne fait preuve de piété, puis plus elle s'exposera à ce qui est craint comme châtiment et à la perte des récompenses qui sont réservées aux pieux. ثم يقول المؤلف رحمه الله الفائدة الثامنة والسبعون أن المتصفين بالتقوى وعدوا بالجنة. قال تعالى أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. سورة الفرقان الآية 15. Le prophète numéro 78 est que les pieux ont eu la promesse du paradis. Allah nous dit d'après l'essence du verset, dit, est-ce mieux ceci ou le paradis éternel qui a été promis aux pieux comme récompense et comme destination dernière, ou le paradis éternel qui a été promis aux pieux comme récompense et comme destination dernière. ثم يقول رحمه الله الفائدة التاسعة والسبعون أن للمتقين في الجنة ما يشاءون قال تعالى لهم فيها ما يشاءون خالدين سورة الفرقان الآية السادسة عشر le prophète numéro 79 est que les pieux auront au paradis ce qu'ils désireront. Allah nous dit d'après l'essence du verset, dit, est-ce mieux ceci ou le paradis éternel qui a été promis aux pieux comme récompense et comme destination dernière. Puis nous dit, subhanahu wa ta'ala, ils auront là tout ce qu'ils désireront éternellement. C'est une promesse incombant à ton Seigneur. Donc, ils auront là tout ce qu'ils désireront. لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ثُمَّ يَقُولُ رَحِمَهُ اللَّهِ الْفَائِلَةُ الثَّمَانُونَ أَنَّ الْجَنَّةَ أُزْلِفَتْ لِلْمُتَّصِفِينَ بِالتَّقْوَى قَالَ تَعَالَى وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ سورة الشعراء الآية التسعون le prophète numéro 80 est que le paradis sera rapproché pour les pieux. Allah nous dit, d'après les sens du verset, on rapprochera alors le paradis pour les pieux. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ Donc les pieux, ceux qui accomplissent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'écartent de ses interdits et qui se repentent constamment lorsqu'ils commettent des fautes ou des péchés. الفائدة الواحدة والثمانون أن التقوى من أسباب النجاة من عذاب الدنيا قال تعالى وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون سورة النمل الآية الثالثة والخمسون Le prophète numéro 81 est que la piété est une cause pour être sauvé du châtiment de ce bas monde. Allah nous dit à propos du peuple de Thamoud, donc après qu'ils aient désobéi et mécru à leur messager Salih, et que certains d'entre eux aient voulu le tuer, alayhi salam, lui et sa famille. Allah nous dit à leur sujet, d'après l'essence du verset, regardez donc ce qu'a été la conséquence de leur stratagème. Nous les fîmes périr, eux et tout leur peuple. Voilà donc leur maison déserte à cause de leurs méfaits. Voilà donc un avertissement pour des gens qui savent. Puis nous dit, subhanahu wa ta'ala, et nous sauvâmes ceux qui avaient cru et étaient pieux. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون Donc Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé les pieux. الفائدة الثانية والثمانون أن العاقبة الحميدة للمتقين قال تعالى والعاقبة للمتقين سورة القصص الآية الثالثة والثمانون Le prophète numéro 82 est que la bonne fin est pour les pieux. Allah nous dit, d'après l'essence du verset, cette demeure de l'au-delà, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni la corruption. Et la fin heureuse appartient aux pieux. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite certaines caractéristiques des muttaqins qui ne cherchent ni à s'élever sur terre. Donc aucunement ils ne cherchent l'élévation sur terre. Mais ils sont comme Allah subhanahu wa ta'ala cité dans le Coran, يمشون على الأرض هونا. Ils marchent sur terre de manière humble. Et ولا فسادا. Donc ils ne cherchent ni à se lever sur terre ni la corruption. Et toute personne qui mécroit en Allah et en ses prophètes sera corrupteur sur terre. Comme toute personne qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des corrupteurs sur terre. Puis nous dit subhanahu wa ta'ala et la fin heureuse appartient aux pieux. والعاقبة للمتقين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين ثم يقول رحمه الله الفائدة الثالثة والثمانون أن من أسباب صلاح الأعمال أنها من أسباب صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم سورة الأحزاب الآية السبعون والواحدة والسبعون Le prophète numéro 73 est que la piété est une cause de la réforme des œuvres et du pardon. Allah nous dit d'après l'essence du verset, « Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il réforme vos œuvres et vous pardonne vos péchés. » Donc le fait que la personne fasse preuve de piété et cherche à être piété et cherche à être pieuse est une des causes pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala réforme ses actes et lui pardonne ses péchés. puis nous dit rahimahullah, الفائدة الرابعة والثمانون أنها من أسباب الرحمة. قال تعالى: اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. سورة ياسين الآية الخامسة والأربعون. Le profil numéro 74. Et quelle est une cause, donc la taqwa, permettant d'obtenir la miséricorde. Allah nous dit d'après les sens du verset: craignez ce qu'il y a devant vous et ce qu'il y a derrière vous, afin qu'il vous soit fait miséricorde. اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. ثم يقول رحمه الله: الفائدة الخامسة والثمانون علو شأن المتصفين بالتقوى. قال تعالى: أم نجعل المتقين كالفجار. سورة صاد الآية الثامنة والعشرون. إذن le profil numéro 85, le haut rang et la place élevée des pieux. Allah nous dit, d'après les sens du verset, traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent le désordre sur terre? Am naj'alu al-muttaqina kal-fujjar. Puis nous dit, ou traiterons-nous les pieux comme les pervers? Ou traiterons-nous les pieux comme les pervers? Fal-jawab bila shak la. Donc la réponse est bien évidemment non. Cela ne convient pas à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala de mettre à rang égal les pieux et les pervers. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, à l'inverse, élève les pieux et les croyants. Cela selon leur foi et leur piété dans ce bas monde et dans l'au-delà. Comme il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après les sens du verset, et Allah élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont reçu la science de degré. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم يقول رحمه الله: الفائدة السادسة والثمانون أن المآب الحسن للمتقين. قال تعالى: وإن للمتقين لحسن مآب. سورة صاد الآية التاسعة والأربعون. Le profil numéro 86 est que les pieux auront la meilleure retraite, la meilleure fin, le meilleur lieu de retour. Allah nous dit, d'après les sens du verset, cela est un rappel. C'est aux pieux qu'appartient en vérité la meilleure retraite. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. ثم يقول رحمه الله: الفائدة السابعة والثمانون أن من نتائج التقوى الصدق والتصديق. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به فأولئك هم المتقون. سورة الزمر الآيات الثالثة والثلاثون. Le profil numéro 87 est que la véracité et la confirmation de la vérité découlent de la piété. Donc le fait que la personne confirme et croit en la vérité découle de la piété. Allah nous dit d'après l'essence du verset: tandis que celui qui vient avec la vérité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux. Ceux-là sont les pieux. ثم يقول رحمه الله: الفائدة الثامنة والثمانون أن للمتصفين بها ما يشاءون. قال تعالى: لهم ما يشاءون عند ربهم. سورة الزمر الآية الرابعة والثلاثون. Le profil numéro 88 est que les pieux auront ce qu'ils désireront. Allah nous dit d'après l'essence du verset: ceux-là sont les pieux, ils auront ce qu'ils désirent auprès de leur Seigneur. Voilà la récompense des bienfaisants. الآية الثالثة الرابعة الثالثة والثلاثون والرابعة والثلاثون. Verset numéro 33 et 34, سورة الزمر. ثم يقول رحمه الله: الفائدة التاسعة والثمانون أن التقوى سبب لتكفير السيئات والجزاء الحسن. قال تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون. سورة الزمر الآية الخامسة والثلاثون. Le profil numéro 89 est que la piété est une cause de l'expiation des péchés et l'obtention d'une bonne récompense. Allah nous dit, d'après l'essence du verset, après avoir cité la récompense des pieux, il nous dit subhanahu wa ta'ala, afin qu'il leur expie le pire de leurs actions et les récompense selon ce qu'ils auront fait, selon ce qu'ils auront fait de meilleur, c'est-à-dire les pieux. ثم يقول رحمه الله الفائدة التسعون أن المتصفين بها أن للمتصفين بها عالي الجنان مع النعيم التام. قال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. سورة الزمر الآية 20. Profil numéro 90 est que les pieux auront les hauts rangs dans les jardins, avec des délices complets. Allah nous dit, d'après l'essence du verset, mais ceux qui auront craint leur Seigneur, qui auront été pieux, auront pour demeure des chambres au-dessus desquelles se trouvent d'autres chambres bâties et sous lesquelles coulent les rivières. Promesse d'Allah, Allah ne manque pas sa promesse. Fabihada القدر نكتفي سائلا الله سبحانه وتعالى بل سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقنا سيء الأخلاق والأعمال فإنه لا يقي سيئها إلا أنت. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.